que nous fait pas vivre tous les deux. Et nous dit mon entre nous deux, vous nous faites des façons pour y pas souffrir. On sait comment qu'à douter dire, on pas qu'à oublier rien. C'est pas la peine qu'on va fatiguer. Alors écoutez ça, moi qu'à dire, jeudi, jeudi. Et moi, ils savent que ouais, mais aussi.